Avec ce petit train de vie, je fis si bien, en très peu de temps, qu'absorbé tout entier par la musique, je me trouvais hors d'état de penser à autre chose. Je n'allais plus à mon bureau qu'à contre-cœur. La gêne et l'assiduité au travail m'en firent un supplice insupportable, et j'en vais enfin à vouloir quitter mon emploi pour me livrer totalement à la musique. On peut croire que cette folie ne passa pas sans opposition. Quitter un poste honnête et d'un revenu fixe pour courir après des écoliers incertains était un parti trop peu sensé pour plaire à maman. Même en supposant mes progrès futurs, aussi grands que je me les figurais, c'était borner bien modestement mon ambition que de me réduire pour la vie à l'état de musicien. Elle qui ne formait que des projets magnifiques et qui ne me prenait plus tout à fait au mot de M. Daubonne, me voyait avec peine occupée sérieusement d'un talent qu'elle trouvait si frivole et me répétait souvent ce proverbe de province, un peu moins juste à Paris, que « qui chante bien et bien danse fait un métier qui peu avance ». Elle me voyait, d'un autre côté, entraînée par un goût irrésistible. Ma passion de musique devenait une fureur, et il était à craindre que mon travail, se sentant de mes distractions, ne m'attirât un congé qu'il valait beaucoup mieux prendre de moi-même. Je lui représentais encore que cet emploi n'avait pas longtemps à durer, qu'il me fallait un talent pour vivre, et qu'il était plus sûr d'achever d'acquérir, par la pratique, celui auquel mon goût me portait et qu'elle m'avait choisi, que de me mettre à la merci des protecteurs ou de faire de nouveaux essais qui pouvaient mal réussir et me laisser, après avoir passé l'âge d'apprendre, sans ressources pour gagner mon pain. Enfin, j'extorquais son consentement plus à force d'importunité et de caresses que de raisons dont elle se contenta. Aussitôt, je courus remercier fièrement M. Coccelli, directeur général du cadastre, comme si j'avais fait l'acte le plus héroïque, et j'ai quitté volontairement mon emploi, sans sujet, sans raison, sans prétexte, avec autant de plus de joie que je n'en avais eu à le prendre il n'y avait pas 2 ans.